c'est brouillard. Rentré dimanche après-midi et repris boulot ce matin. Pris la 380 avec plein de films dedans, à volonté. Vu New York City, à pied, en métro, en taxi. Le shopping, messe et gospel à Harlem, la statue de la liberté. L'Empire State, Ground Zero, la bourse, un vieux pub irlandais, le plus vieux de New York. Énorme. Vu Washington à pied sous le cagnard, la famille de mon ami quand elle était au pair, je crois que ça s'écrit comme ça. Le shopping, la maison d'Obama, le musée d'histoire naturelle, les monuments, ville ultra fashion, une capitale quoi, énorme. Vu Atlantic City, des casinos, des hôtels, rien de bien intéressant, mais l'Atlantique de l'autre côté, juste pour ça qu'on l'a fait. Vu la route de Memphis, des gros camions, de belles maisons et aussi l'ultra-pauvreté hors des autoroutes, des stations-service pleines de bouffe, des grosses bagnoles, le royaume de l'essence, du goudron, du plastique jetable dans les grands espaces. Vu à Memphis, le Mississippi, les studios Sun Records, et là, larmes aux yeux devant, j'ai pas pu me retenir, énorme émotion d'un coup, puis Graceland, Beale Street, du blues dans les bars le soir. Énorme. Remontée sur Nashville, pas prévu. Tombée donc par hasard sur une fête dans les rues pour les Country Music Awards. Énorme donc. Tous magnifiques avec de beaux costumes et des chapeaux de cowboys. Les girls en tenue de soirée avec les tiags, magnifiques. Des concerts partout dans les bars et ça jouait grave le son de Nashville dans ma face. Sur New York City pour l'avion, tombé sur une petite ville typique dans le New Jersey, sympa, très américain, contradiction, opposition, puritanisme, débauche, ultra pauvreté, ultra richesse, repris l'avion et je suis rentré.